de Marie de France, lait de Gugemer. On devrait retenir en général le récit des grandes choses qui se sont passées. Je vous avouerai, sire, qu'en traitant une bonne matière, je crains toujours de manquer mon sujet. C'est la vie de Marie. Elle pense qu'il n'appartient de faire parler de grands personnages qu'à celui qui n'a pas cessé d'être vertueux. Lorsque dans un pays il existe une personne respectable de l'un ou l'autre sexe, elle trouve des envieux qui, par des rapports calomnieux, cherchent à lui nuire et à ternir sa réputation. Ces jaloux ressemblent aux mauvais chiens qui mordent en trahison les honnêtes gens. Je veux démasquer et poursuivre ces misérables qui ne veulent et ne disent que du mal des autres. Le conte suivant, dont les Bretons ont fait un lait, est de la plus grande vérité. Je le rapporte entièrement, d'après les écrits de ces peuples, et en prévenant que cette aventure arriva fort anciennement dans la Petite-Bretagne. Au temps du règne d'Artus, ce prince eut parmi ses vassaux un baron appelé Oridial, qui était seigneur de Léon. Le roi l'estimait fort pour sa vaillance. De son mariage étaient nés deux enfants, un fils et une fille, nommés Gugemer et Nogan. Doués d'une figure charmante, ils étaient l'idole de leurs parents. Quand Oridial vit son fils en âge, il envoya auprès d'Artus pour apprendre l'état des armes. Le jeune homme se distingua tellement par sa valeur et par la franchise de son caractère qu'il mérita d'être armé chevalier par le grand Artus, qui, en cette occasion, lui fit présent d'une superbe armure. Gugemer veut aller chercher des aventures et avant son départ, il fait de riches présents à toutes les personnes de sa connaissance. Il se rend dans la Flandre pour faire ses premières armes, parce que ce pays était presque toujours en guerre. J'ose assurer d'avance qu'à cette époque, on ne pouvait trouver un meilleur chevalier dans la Lorraine, la Bourgogne, la Gascogne et l'Anjou. Il avait néanmoins un défaut, c'était de n'avoir pas encore songé à aimer. Cependant, il n'y avait ni dame ni demoiselle qui, s'il en eût témoigné le désir, ne se fût fait honneur d'être sa mie. Quoique même plusieurs d'entre elles lui eussent, sur cet objet, fait des avances, cependant, il n'aima point. Personne ne pouvait concevoir pourquoi Gugemer ne voulait point céder à l'amour. Aussi, chacun craignait-il qu'il ne lui arrivât malheur. Après nombre de combats, d'où il sortait toujours avec avantage, Gugemer voulut retourner dans sa famille, qui, depuis longtemps, désirait le revoir. Après un mois de séjour, il eut envie d'aller chasser dans la forêt de Léon. Dans ce dessein, il appelle ses chevaliers, ses veneurs, et à l'aube du jour, ils étaient dans le bois. S'étant mis à la poursuite d'un grand cerf, les chiens sont découplés, les chasseurs prennent les devants. Et Gugemer, dont un jeune homme portait l'arc, les flèches et la lance, voulait lui porter le premier coup. Entraîné par l'ardeur de son coursier, il perd la chasse, et dans l'épaisseur d'un buisson, il aperçoit une biche, toute blanche, ornée de bois, laquelle était accompagnée de son faon. Quelques chiens qui l'avaient suivi attaquent la biche. Gugemer bande son arc, lance sa flèche, blesse l'animal au pied et le fait tomber. Mais la flèche, retournant sur elle-même, vient frapper Gugemer à la cuisse, si violemment que la force du coup le jette à bas de cheval. Étendu sur l'herbe, auprès de la biche, qui exhalait ses plaintes, il lui entend prononcer ces paroles. « Ah Dieu, je suis morte, et c'est toi, vassal, qui en es la cause. Je désire que dans ta situation, tu ne trouves jamais de remède à tes maux, ni de médecin pour soigner ta blessure. Je veux que tu ressentes autant de douleur que tu en fais éprouver aux femmes, et tu n'obtiendras de guérison que lorsqu'une amie aura beaucoup souffert pour toi. Elle endurera des souffrances inexprimables, et telles qu'elles exciteront la surprise des amants de tous les âges. Au surplus, retire-toi et me laisse en repos. » Gugemer, malgré sa blessure, est bien étonné de ce qu'il vient d'entendre. Il réfléchit et délibère sur le choix de l'endroit où il pourrait se rendre afin d'obtenir sa guérison. Il ne sait à quoi se résoudre, ni à quelle femme il doit adresser ses vœux et ses hommages. Il appelle son varlet, lui ordonne de rassembler ses gens et de venir ensuite le retrouver. Dès qu'il est parti, le chevalier déchire sa chemise et bande étroitement sa plaie. Puis, remontant sur son coursier, il s'éloigne de ce lieu fatal sans vouloir qu'aucun des siens l'accompagne. Après avoir traversé le bois, il parcourt une plaine et arrive sur une falaise au bord de la mer. Là était un havre où se trouvait un seul vaisseau dont Gugemer reconnut le pavillon. Ce bâtiment, qui était d'ébène, avait les voiles et les cordages en soie. Le chevalier fut très surpris de rencontrer une nef dans un lieu où il n'en était jamais arrivé. Il descend de cheval et monte ensuite avec beaucoup de peine sur le bâtiment où il comptait rencontrer les hommes de l'équipage et où il ne trouva personne. Dans une des chambres était un lit enrichi de dorures, de pierres précieuses, de chiffres en ivoire. Il était couvert d'un drap d'or et la grande couverture, faite en drap d'Alexandrie, était garnie de martres zibelines. La pièce était éclairée par des bougies que portaient deux candélabres d'or, garnis de pierreries d'un prix considérable. Fatigué de sa blessure, Gugemer se met sur le lit. Après avoir pris quelques instants de repos, il veut sortir, mais il s'aperçoit que le vaisseau, poussé par un vent propice, était en pleine mer. Inquiet de son sort, souffrant de sa blessure, il invoque l'Éternel et le prie de le conduire à bon port. Le chevalier se couche et s'endort pour ne se réveiller qu'au lieu où il doit trouver un terme à ses maux. Il arrive vers une ville ancienne, capitale d'un royaume dont le souverain, homme fort âgé, avait épousé une jeune femme. Craignant certain accident, il était extrêmement jaloux. Tel est l'arrêt de la nature, que tout vieillard soit jaloux, et que, lorsqu'ils épousent de jeunes femmes, on ne soit nullement étonné de ce qu'elles leur soient infidèles. Sous le donjon était un verger fermé par une muraille en marbre vert et bordé par la mer. La seule porte qui servait d'entrée était gardée nuit et jour. On ne pouvait y entrer du côté du rivage qu'au moyen d'un bateau. Pour que sa femme fût plus exactement surveillée, le jaloux lui avait fait construire un appartement dans la tour. Sur les murs, on avait peint Vénus, déesse de l'amour, et représenté comment doivent se comporter les amants heureux. D'un autre côté, la déesse jetait dans les flammes le livre où Ovide enseigne le remède pour guérir d'amour, déclarant avec indignation qu'elle ne favoriserait jamais ceux qui liraient cet ouvrage et qui en pratiqueraient la morale. La dame avait près d'elle sa nièce, jeune personne qu'elle aimait beaucoup. Celle-ci accompagnait sa tante toutes les fois qu'il lui prenait envie de sortir et la reconduisait ensuite au logis. Un vieux prêtre aux cheveux blancs avait seul la clé de la tour. Et indépendamment de son âge, il se trouvait hors d'état d'alarmer un jaloux, autrement il n'eût pas été accepté. Outre la messe qu'il disait tous les jours, notre prêtre servait encore à table. À l'issue de son dîner, la dame, voulant se promener, emmena sa nièce avec elle. Tournant les yeux du côté de la mer qui baignait le bord du jardin, elle aperçoit le vaisseau qui cinglait à pleine voile de son côté. Ne voyant personne sur le pont, elle fut effrayée, et voulut prendre la fuite. Mais la jeune personne, naturellement plus hardie et plus courageuse que sa tante, parvint à la rassurer. Lorsque le vaisseau fut arrêté, elle ôte son manteau et descend dans la nef. Elle n'aperçoit personne, à l'exception de Gugemer étendu sur le lit où il dormait encore. À la pâleur de son teint, au sang dont il était couvert, elle s'arrête et le croit mort. La pucelle retourne aussitôt vers sa tante et lui fait part de ce qu'elle venait de voir. La dame répondit « Retournons sur le champ, au vaisseau, et si le chevalier a cessé de vivre, nous le ferons ensevelir par notre vieux chapelain. » Dès qu'elle fut entrée dans le bâtiment, la dame aperçut le chevalier, dont elle plaignit le malheur et déplora la perte. Elle s'avance, lui met la main sur le cœur et le sent battre. Aussitôt Gugemer se réveillant, salue la dame qui pleurait. Celle-ci s'empresse de lui demander quel est son nom, sa patrie, par quel hasard il est venu dans ce pays, et enfin s'il a été blessé à la guerre. « Madame, dit-il, je vais vous dire la vérité tout entière. Je suis de la petite Bretagne. Étant allé chasser hier, je blessais une biche blanche. La flèche revenant sur elle-même est venue me frapper la cuisse avec tant de violence que je pense ne pouvoir jamais être guérie. Cette biche m'annonça que ma blessure ne se fermerait que lorsque j'aurais rendu une femme sensible à mon amour. Dès que j'eus entendu mon arrêt, sortant du bois, je vins sur les bords du rivage, où, trouvant ce vaisseau, je fis la folie d'y entrer, et bientôt je me vis en pleine mer. Je suis arrivé près de vous, et j'ignore le nom du pays et de cette ville en particulier. Ah, belle dame, daignez me conseiller dans mon infortune. je ne sais où aller, et je suis hors d'état de gouverner mon vaisseau. Beau sire, je vous donnerai volontiers les renseignements que vous demandez. Cette ville et les contrées qui l'environnent appartiennent à mon mari, homme riche et de grande naissance, mais très vieux, et de plus extrêmement jaloux. Il m'a renfermé dans cette enceinte, dont la seule porte, toujours fermée, est gardée par un vieux prêtre. Jamais je ne sortirai de ce lieu sans l'ordre de mon époux. J'ai près d'ici mon appartement et ma chapelle, et cette jeune personne partage l'ennui de ma solitude. Au surplus, si cela vous est agréable, venez demeurer avec nous, nous aurons soin de votre personne. » À cette proposition, Gujmer s'empresse de remercier la dame et accepte l'offre qui vient de lui être faite. Il se dresse sur son lit, ses dames l'aident à marcher et le conduisent à la tour. On lui donne le lit et la chambre de la jeune personne, et sitôt qu'il fut arrivé, elles lui lavèrent et bandèrent sa plaie. Les soins les plus tendres sont prodigués à Gujmer, mais bientôt Amour lui fait une blessure bien plus dangereuse. À mesure que la première se fermait et se cicatrisait, l'autre prenait un caractère bien différent. Il oublie son ancien mal, sa patrie, mais il soupire sans cesse. Qu'il serait heureux s'il savait que son ardeur est partagée. Resté seul, il s'abandonnait à ses réflexions et voyait bien que si la dame ne venait à son secours, il mourrait infailliblement. « Que ferais-je ? » disait-il. « J'irai vers elle et lui découvrirai ma flamme. Je la prierai d'avoir pitié d'un malheureux abandonné qui n'a de conseil de personne. Oui, si elle rejette mes vœux, si je ne puis dompter son orgueil, il ne me reste qu'à mourir de langueur. » Bientôt, changeant d'avis, il prend le parti de se taire et de cacher ses souffrances. Le sommeil fuit loin de sa paupière, il ne fait que soupirer et se plaindre nuit et jour. Sa pensée lui rappelle les appas de sa belle, ses grâces, ses beaux yeux, et surtout cette bouche charmante et ses douces paroles qui lui portent au cœur. Il lui crie merci et peu s'en faut qu'il ne l'appelle à son secours. Il croit toujours la voir et lui parler. Quel eût été le bonheur de Gujmer s'il eût connu les sentiments de la dame ? Que d'inquiétude il se fût épargné, et ses souffrances qui avaient effacé l'incarnat de son teint. Si le chevalier ressentait les maux d'amour, ils étaient également ressentis par la dame. Aussi inquiète que son amant, dont elle partageait les sentiments, la belle, qui ne pouvait dormir, s'était levée de grand matin. Elle se plaint des souffrances qu'elle endure. Sa nièce, qui lui tenait compagnie, s'aperçut de l'amour que sa tante portait au chevalier. Elle ignore si ce dernier partage les doux sentiments qu'on a pour lui. Afin de s'en éclaircir, elle profite de l'instant où sa tante était à la chapelle pour interroger Gujmer. À cet effet, elle se rend près de lui. Le chevalier, après l'avoir fait asseoir devant le lit, lui demande où était sa dame et pourquoi elle s'était levée de si grand matin. Craignant d'avoir commis une indiscrétion, il s'arrête et soupire. « Sire chevalier, dit la pucelle, vous aimez et vous avez tort de cacher votre amour. D'ailleurs, il n'y aurait rien que de très honorable pour vous si vous obteniez la tendresse de ma tante. Cet amour est parfaitement bien assorti. Vous êtes tous deux beaux, aimables et jeunes. Ah, cher ami, je suis si fortement épris que je deviendrai le plus malheureux des hommes si je ne suis pas secouru. Conseillez-moi, douce amie, et veuillez m'apprendre ce que je dois espérer. » La jeune personne, du ton le plus affectueux, s'empressa de rassurer le chevalier et lui promit de le servir de tout son pouvoir dans ce qu'il voudrait entreprendre, tant elle est bonne et serviable. Dès qu'elle eut entendu la messe, la dame désira savoir des nouvelles de son amant et s'informer de ce qu'il faisait. Elle appelle sa nièce parce qu'elle veut avoir un entretien secret avec Gujmer, entretien d'où doit dépendre le bonheur de sa vie. Après s'être rendus dans l'appartement de Gujmer, les deux amants se saluent réciproquement, et tous deux, intimidés, osent à peine parler. L'embarras du chevalier est d'autant plus grand qu'il est étranger, qu'il ignore les usages du pays où il est venu. Il craint aussi de commettre une indiscrétion qui lui enlèverait les bonnes grâces de Samy et la forcerait à se retirer. Qui ne découvre son mal est bien plus difficile à guérir. Amour est une plaie intérieure qui ne laisse rien apercevoir au dehors. C'est un mal qui dure longtemps parce qu'il est naturel. Je sais qu'il en est plusieurs qui tournent en plaisanterie les souffrances d'amour. Ainsi pensent ces hommes discourtois qui sont jaloux des gens heureux et qui vantent partout leur bonne fortune. Non, ils ne savent ce que c'est que l'amour. Ils ne connaissent que la méchanceté, le libertinage et la débauche. De son côté, la dame qui aimait tendrement le chevalier n'ignorait pas que, lorsqu'on trouve un ami sincère et vrai, on doit le chérir et faire tout ce qu'il peut désirer. Enfin, l'amour donne à Gugemer le courage de découvrir à Samy toute la violence de sa passion. « Je meurs pour vous, » dit-il, « daignez m'accorder votre amour. Et si vous rejetez ma tendresse, je n'ai d'autre espoir que la mort. Ah, de grâce, je vous en supplie, ne me refusez pas. Bel ami, un instant, je vous prie, une pareille demande à laquelle je ne suis pas accoutumé mérite réflexion. Pardon, madame, si mon discours peut vous blesser. Vous n'ignorez pas, sans doute, qu'une coquette doit se faire longtemps prier pour accorder ses bonnes grâces, afin de ne pas se découvrir et d'éviter de faire soupçonner ses intrigues. Lorsqu'une femme bien née, tout à la fois aimable, jolie et spirituelle, voit un homme de son rang qui lui convient, loin de le refuser, elle acceptera volontiers son hommage, et leur union sera déjà ancienne lorsqu'elle sera connue. La dame, persuadée de la vérité de ce discours, accorda au chevalier le don d'amoureuse merci, et depuis ce jour, ils furent heureux. Depuis un an et demi, nos deux amants jouissaient d'un parfait bonheur, mais la fortune cessa de leur être favorable. Sa roue tourne, et en peu d'instants, elle porte au-dessus celui qui était dessous. Ils en firent la triste expérience, car ils furent aperçus. Par un beau jour d'été, nos deux amants, réunis dans la même couche, s'entretenaient de leurs amours et se confondaient dans leurs embrassements. La dame, prenant la parole, dit « Mon doux ami, de sinistres pressentiments m'annoncent que je vous perdrai et que nous serons découverts. Mais si vous venez à mourir, je ne veux plus vivre. Et si vous vous échappez, vous pourrez faire une autre conquête, et j'en périrai de chagrin. Ah, si j'étais forcée de vous quitter, non seulement je ne ferais point d'autre ami, mais je n'aurais plus ni joie, ni repos, ni paix. Pour vous donner un gage de ma foi, vous allez me remettre votre chemise. J'y ferai un pli dans un des coins. Promettez-moi de n'aimer que la personne qui pourra le défaire. » Le chevalier remet sa chemise à la dame. Elle fait un nœud arrangé de telle manière qu'il ne pouvait être défait à moins de déchirer le linge ou de le couper. De son côté, le chevalier prend une ceinture nouée d'une façon particulière, l'attache autour du corps de sa maîtresse, en cache les boucles, et celle-ci lui jure de n'aimer jamais que la personne qui pourra la dénouer sans rien casser ni rompre. Ils avaient raison d'en agir ainsi, car dans la journée, ils furent découverts par un maudit chambellan que l'époux envoyait à sa femme. Il attendait le moment où il pourrait entrer et remplir l'objet de sa mission, lorsque, regardant à travers la fenêtre, il aperçut Gugemer. Ayant terminé, il s'empresse de retourner vers son maître pour lui faire part de cette découverte. À cette nouvelle, le vieillard, transporté de fureur, prend avec lui trois de ses serviteurs, les conduit à l'appartement de sa femme, dont il fait briser la porte. Le premier objet qu'il aperçoit est le chevalier. Dans un mouvement dont le mari n'est pas le maître, il donne l'ordre de s'emparer du coupable et de le faire mourir. Gugemer, peu effrayé de sa menace, se saisit d'une grosse perche de sapin sur laquelle on étendait du linge. Par son assurance et son courage, il contient les assaillants qui n'osent avancer. Après l'avoir beaucoup regardé, le mari demande à Gugemer son nom, son pays, et comment il a fait pour s'introduire dans son château. Le chevalier raconta naïvement son aventure, depuis l'instant où il blessa la biche, jusqu'à ce moment. Le mari doute de la vérité du récit qu'il vient d'entendre. S'il trouve le vaisseau qui avait amené le chevalier, il le forcera à se rembarquer sur le champ. « Plût à Dieu, ajouta-t-il, que tu puisses te noyer. » En effet, s'étant rendus au port, ils aperçurent le bâtiment près du rivage. Gugemer y entre, et la fée, sa protectrice, le conduit dans son pays. Je laisse à penser quel était le chagrin de notre chevalier. Absent de sa maîtresse, dont il est peut-être éloigné pour toujours, il pleure et soupire. Dans son désespoir, il prie le ciel de le faire mourir, surtout s'il perd l'objet qu'il aime plus que la vie. Il réfléchissait encore à toute l'étendue de son malheur lorsque le vaisseau entra dans le port d'où il était parti la première fois. Il prit terre aussitôt, s'empressa de descendre parce qu'il était près de son pays. À peine était-il débarqué qu'il fit la rencontre d'un jeune homme dont il avait soigné l'enfance. Ce jeune homme accompagnait un chevalier et menait en laisse un cheval de bataille tout équipé. Gugemer l'appelle et le jeune homme, reconnaissant son seigneur, s'empresse de lui offrir un coursier. Il retourne dans sa famille où il est parfaitement bien reçu. Afin de le fixer dans le pays et de dissiper la mélancolie dans laquelle il était plongé, ses amis veulent lui donner une épouse. Mais Gugemer s'en défendit en déclarant qu'il ne prendrait aucune femme, soit par amour ou par richesse, que celle qui pourrait défaire le pli de la chemise. Quand cette nouvelle fut répandue dans la Bretagne, tout ce qu'il y avait de filles et de femmes à marier vint pour tenter l'aventure, mais aucune n'en put venir à bout. Pendant ce temps, l'objet des amours de Gugemer, la dame infortunée, gémissait dans un cachot où l'avait fait mettre son mari, d'après les conseils d'un de ses courtisans. Renfermée dans une tour de marbre, elle passait le jour dans la tristesse, et les nuits étaient plus tristes encore. Personne ne pourrait raconter toutes les peines qu'elle essuya pendant plus de 2 ans qu'elle y resta. Elle songeait sans cesse à son amant. « Ah, Gugemer, je vous ai vu pour mon malheur, mais je préfère la mort plutôt que de souffrir plus longtemps. Cher ami, si je peux parvenir à m'échapper, j'irai à l'endroit où vous vous êtes embarqué pour me précipiter dans la mer. » Elle avait à peine achevé ces paroles qu'elle se lève et vient à la porte, où elle n'aperçoit ni verrou ni serrure. Profitant de l'occasion, elle sort de suite, se rend sans obstacle au port où elle trouve le vaisseau qui avait conduit son amant. Il était amarré à la roche d'où elle voulait se précipiter dans les flots. Elle s'embarque sur le champ, mais une réflexion vient modérer la joie qu'elle ressent d'avoir obtenu la liberté. Son ami n'aurait-il pas péri ? Cette idée lui fait tant de mal qu'elle est prête à s'évanouir et qu'elle la force à s'asseoir. Le vaisseau vogue et s'arrête dans un port de la Bretagne, vers un château parfaitement bien fortifié. Il appartenait au roi Meriadius, qui pour lors était en guerre avec des princes, ses voisins. Il s'était levé de grand matin parce qu'il voulait envoyer un détachement pour ravager les terres de ses ennemis. En regardant par une croisée, il aperçut le vaisseau qui approchait. Suivi d'un chambellan, il s'empresse de se rendre au port et de monter à bord. Meriadus, voyant la beauté de la dame, la prend pour une fée, la saisit par le manteau et la conduit dans son château. Enchanté de l'aventure, le monarque est peu curieux d'apprendre comment cette beauté est venue seule dans la nef. Il lui suffit de savoir qu'elle est de haut parage. Épris de ses charmes, plus que je ne le pourrais dire, Meriadus ordonne à sa jeune sœur d'avoir les plus grands égards pour la dame. Il lui fait donner les vêtements les plus riches, mais la dame est toujours plongée dans la tristesse. Peu touchée des soins et de l'empressement de Meriadus, qui la requiert souvent d'amour, elle lui montre la ceinture et lui annonce qu'elle n'aimera jamais que celui qui pourra dénouer cette ceinture, sans la déchirer. Meriadus, piqué au vif, apprend à la dame que dans le pays il y avait un chevalier fort renommé qui ne voulait prendre femme à cause d'une chemise dont le pan droit était plié d'une façon particulière. « Je ne serais point étonnée, madame, d'apprendre que c'est vous qui avez fait ce pli. » Peu s'en fallut que la dame perdit l'usage de ses sens lorsqu'elle entendit cette nouvelle. Meriadus la retint dans ses bras et coupa le lacet de sa robe. Il entreprit de dénouer la ceinture, mais lui, ses courtisans et tous les chevaliers du pays échouèrent dans leur entreprise. Dans l'espoir de rencontrer la personne qui devait mettre fin à l'aventure, Meriadus fait publier un grand tournoi. Il s'y rendit un grand nombre de chevaliers, en tête desquels se trouvait Gugemer. Il était prié d'y venir comme ami et comme compagnon d'armes, parce que Meriadus avait besoin de son secours. Aussi avait-il plus de 100 chevaliers à sa suite qui furent parfaitement bien reçus et qui logèrent dans la tour. Dès qu'ils furent arrivés, Meriadus envoya 2 chevaliers, prier sa sœur de descendre avec la belle dame à la ceinture. Elles entrèrent bientôt couvertes de riches vêtements et se tenant par la main. Quelqu'un appela Gugemer, et sitôt que la dame, qui était pâle et pensive, entendit nommer son amant, elle fut prête à défaillir. Elle fut même tombée à terre si la jeune personne ne l'eût retenue. Le chevalier se leva à l'approche de sa belle, la regarda fixement et l'entraînant un peu à l'écart, il lui dit « Ne serait-ce pas ma douce amie, mon bonheur, mon espérance, ma vie, la belle dame qui tant m'aima ? Mais d'où vient-elle ? Qui peut l'avoir conduite dans ces lieux ? Où s'égare ma tête ? Ce ne peut pas être elle. Souvent les femmes se ressemblent, et votre vue bouleverse toutes mes idées. Oh, cette ressemblance me fait battre le cœur, et je ne puis m'empêcher de frémir et de soupirer. Je veux absolument m'en convaincre et l'interroger. » Gugemer, après avoir embrassé la dame, la fait asseoir et prend place à son côté. Meriadus, fort inquiet, n'avait pas perdu un seul de leurs mouvements. Prenant un air riant, il prit Gugemer d'inviter la belle inconnue à tenter l'épreuve de la chemise. « Avec plaisir, répond le chevalier, qui donne l'ordre de l'aller chercher. » Le chambellan apporte la chemise, Gugemer la prend et la remet à la dame, qui reconnut aussitôt le nœud qu'elle avait fait elle-même. Elle n'ose cependant le défaire, parce que son cœur éprouve la plus grande agitation. Meriadus, dont l'inquiétude était bien plus grande, l'invite à tenter l'aventure. Sur son invitation, la dame prend la chemise et la déploie sur le champ. On ne peut se figurer l'étonnement de Gugemer. Il ne peut douter que cette femme ne soit sa maîtresse. Il ose à peine en croire ses yeux. « Est-ce bien vous, tendre ami, qui êtes devant moi ? Laissez-moi, je vous prie, examiner une chose. » Alors, lui portant la main sur le côté, il s'aperçoit qu'elle porte la ceinture qui doit servir à leur reconnaissance. « Ah, bel ami, dites-moi de grâce par quel hasard heureux je vous trouve en ce pays. Qui peut vous y avoir amené ?» Aussitôt, elle lui raconta les peines et les tourments qu'elle avait endurés, son emprisonnement, sa résolution de se détruire, sa délivrance, son voyage et son arrivée chez Meriadus, qui la comblait d'honneur, mais qui la requérait sans cesse d'amour. « Réjouissez-vous, mon ami, votre amante vous est rendue. » Gugemer se lève aussitôt, et s'adressant à l'assemblée, il dit « Beau seigneur, daignez m'écouter. Je viens de retrouver mon ami, que je croyais avoir perdu pour toujours. Je prie donc Meriadus de me la rendre, et pour le remercier, je deviendrai son homme liege. Je m'engage à le servir pendant 2 ou 3 ans avec 100 chevaliers que je soudoierai. Cher ami, répond Meriadus, la guerre que je soutiens ne m'a pas encore réduit au point de pouvoir accepter l'offre que vous me faites. J'ai trouvé cette belle dame, je l'ai accueillie, je la garderai, et malheur à qui voudra me la disputer. » Après cette déclaration, Gugemer fait monter tous ses chevaliers. Devant eux, il défie Meriadus. Il part avec la douleur de quitter encore Samy. Il n'est aucun des seigneurs venus pour le tournoi qu'il n'emmène avec lui. Chacun d'eux lui fait la promesse de le suivre partout où il ira et de regarder comme traître celui qui manquerait à son serment. La troupe se rend le soir même chez le prince avec lequel Meriadus était en guerre, qui les loge et les reçoit à bras ouverts. Ce secours lui fait espérer d'avoir bientôt la paix. Le lendemain, dès l'aube du jour, les troupes se mettent en marche sous la conduite de Gugemer. On assiège le château dont il veut absolument se rendre maître. La place investie de toutes parts est bientôt réduite. Enfin, on s'empare du château qu'on détruit. Meriadus est tué. Après tant de dangers et de peines, Gugemer retrouve son ami qu'il conduit dans ses terres. Du conte que je viens de rapporter, les Bretons ont composé le lai de Gugemer. Ils se chantent avec accompagnement de harpe et de vielle, et l'air en est bon à retenir. Fin du poème, enregistré par Christiane Johan. Cet enregistrement fait partie du domaine public.